cadence dans ce monde. Tout va trop vite. Regarde le système et ses tactiques. Tout va trop vite. Nous asservir et ramasser le fric. Tout va trop vite. Je les accuse de pratiques sataniques. Tout va trop vite. Prends garde à toi, man, et couvre vite. Show.